Chapitre 3e. Le domino blanc. Je viens te chercher pour aller à l'opéra, dit un soir à Gaston un de ses amis du nom de Narsac. Narsac était un journaliste qui faisait le métier des côtiers dans le journal Étincelle. On trouvait beaucoup d'esprit au journal. Ce journaliste passait pour un homme infiniment spirituel. On applaudissait à ses mots même lorsqu'il n'en faisait pas. Narsac avait une réputation surfaite. Il avait de bonne heure compris le besoin de l'intrigue. Aussi était-ce grâce à cette fille à mille faces qu'il était arrivé. Grâce à son nom, il écrivait des tartines ineptes dans lesquelles on trouvait du trait, de la profondeur et de l'observation. Une fois sur le degré de l'échelle où l'on se dit arrivé, il eut honte de donner sous sa signature de ses nouvelles fabriquées le soir en rentrant pour avoir un louis. Il prit un pseudonyme. Le nom n'y était plus, on s'étonna du peu d'esprit du nouveau venu. Un jour, le rédacteur en chef lui dit « Narsac, ne faites pas mieux, mais signez. On paye votre nom 5 sous la ligne, voilà tout. » Le journaliste signa de nouveau. On l'appela un second Stern. Au reste, de Narsac, qui avait eu beaucoup d'esprit avant de prendre la plume et auquel il en restait encore, n'était pas dupe de la comédie qu'il jouait. Bien que d'un immense orgueil, il s'appréciait in petto à sa juste valeur. Derfurt était le seul auquel il fit ses confidences. Le motif était qu'il ne le craignait pas. Quoique journaliste, Gaston était poète, et les fabricants de verre ne portent point ombrage. Narsac avait même voulu le patronner et lui ouvrir les salons. Gaston avait toujours refusé. « Plus tard, nous verrons, » répondait-il. « Si tu ne veux pas sortir de ta coque, lui dit un jour les côtiers dans un moment d'expansion, « tu n'arriveras pas. Sans intrigue, l'on s'encroûte dans ce bas monde, où l'on admire que les chevaux de parade. Il faut se produire, en imposer, se croire partout chez soi, voilà le secret. Dans certains salons, on m'attribue un esprit que je n'ai pas, parce que j'écris des nouvelles scandaleuses et que j'attaque la vie privée des individus. Le beau talent de faire rire aux dépens d'un homme, il y a toujours un moyen. » On me croit profond quand je ne dis rien. Quelques femmes du monde veulent bien m'appeler mon cher monsieur de Narsac, le spirituel monsieur de Narsac. Toi qui me connais, tu rirais bien si tu les entendais. Pour aller dans le monde, il s'agit d'avoir un habit noir et des gants. L'habit noir vous introduit chez les duchesses et que sais-je. D'ailleurs, la grande dame aime assez à dire. Je reçois des gens de lettres, des journalistes. Cette classe d'hommes qu'on n'a jamais connus et qu'on ne connaîtra jamais bien. « Tiens, Gaston, j'irai un jour aux Tuileries. » Le jeune poète murmurait alors en lui-même « Narsac est un homme très fort. » Et il avait raison. Seulement, il ignorait certes la définition de ce qu'on appelle l'homme fort depuis quelques années. Il en eut des épouvantements. Le jour où le journaliste vint chercher Gaston, il le trouva plongé dans des idées sombres. Gaston rêvait toujours à sa blonde. « En vérité, on dirait que tu es amoureux. » « Ne te moque pas de moi, je suis très malheureux. »« Quoi, la belle résiste ? Tais-toi, je ne puis rien te dire, plus tard. » »« Alors décidément, avec tes plus tard, on pourrait t'appeler Fabius Temporisator. »« Si tu es triste, c'est une raison de plus pour te distraire. »« Habille-toi et viens. » Gaston y consentit. À 1 heure du matin, les deux amis se dirigeaient vers le bal. La neige tombait froide et serrée. Mais tout le monde était content, on ne s'apercevait pas du froid. Rien, d'ailleurs, n'accompagne mieux l'entrée et la sortie d'un bal masqué que les flocons de neige qui voltigent dans l'air et viennent s'attacher à la soie et aux dentelles des amoureux de plaisir. L'hiver semble revêtir son manteau blanc pour compléter l'illusion. Titi, Pierrot, Pierrette, Domino se pressent comme des ombres mutines sous ces masques noirs, sous ces dentelles, que d'heureux pendant 6 heures. Le carnaval est un temps pendant lequel il est permis de bâtir des châteaux de cartes. Ne soufflez pas sur eux, ils crouleront assez tôt. Le carnaval est une folie, peut-être, mais il en est qui aiment la folie du déguisement et des intrigues, afin d'oublier. À ceux-là, ne leur ôtez pas leurs illusions, puisqu'elles ne peuvent durer que quelques jours. Les uns vont au bal pour s'étourdir, mais pendant ce temps, ils ne songent plus à la triste réalité. Le banquier ruiné retrouve sous ses habits d'emprunt toute son ancienne splendeur. La petite fille, qui toute l'année a fait des fleurs pour les femmes du monde, se pare à son tour de ses fleurs, de ses plumes, et pour quelques heures, la voilà marquise. Ne soufflez donc pas sur son rêve. L'être seul dans ce grand Paris trouve pour quelques jours une famille dans ces fous dont il ne connaît que l'excentrique costume. L'amoureux dont le cœur saigne ne pense plus à sa blessure. Il rencontre une Pierrette, dont il fait briller les yeux avec quelques larmes de champagne, et en voyant les yeux de sa belle s'humecter, il se croit aimé. Dans son délire, il boit à sa sultane. Pourquoi lui reprocher le travestissement grâce auquel il se méconnaît lui-même? Et cet autre, amoureux de tous les arts et de toutes les femmes, qui demande au carnaval son bonheur, laissez-le dormir. Pendant ces jours, du moins, il aura eu une passion. Vous avez vu ces gigantesques peintures à la détrempe, qui représentent une table couverte de bouteilles de champagne, les unes debout, les autres renversées, toutes vides. Sous la table se trouve Arlequin, dont la tête fatiguée repose sur une élégante titi, dont la main tient encore une coupe qu'elle a brisée en la choquant contre terre. Apparaît derrière eux l'inséparable tête de Pierrot, qui cherche encore une tulipe de vin oubliée pour compléter son ivresse. Croyez-vous que ce groupe qui se renouvelle tant de fois, à toutes les issues de bal, ne soit pas heureux, ou du moins ne croit pas l'être? Oui, il est heureux. Il n'est plus de ce monde. Pourquoi lui enlever son illusion? Demandez à celui qui, pendant une année entière, n'a que ses heures consacrées pour oublier qu'il vit. Demandez-lui s'il les troquerait contre la beauté de vos spectacles. Non, il veut être acteur à son tour. En marchant dans le macadam, il a rêvé l'Italie, et il saisit avec bonheur l'occasion de se transformer en pêcheur de Catane. La jeune fille qui a vu chez une duchesse un portrait de femme du temps de Louis XV a rêvé la perruque poudrée et les nœuds, et vite, elle a employé le jour destiné au travestissement à se transformer en Pompadour. Rien de plus charmant que ses ambitions de costume, que ses intrigues si promptement nouées, que ses yeux noirs et bleus qui scintillent sur des fonds de velours, et ses coups d'éventail pour soulever la barbe des masques. Voilà, je crois, des tableaux que les peintres, les poètes, les artistes revoient toujours avec plaisir. La jeunesse aime tant à s'amuser, aucun sacrifice ne lui coûte. Que de privations a nécessité cette belle robe en gaze verte, parsemée d'étoiles, qui simule la nuit. Peut-être la déesse qui la porte a-t-elle vendu un bijou pour ajouter une étoile d'argent à sa belle chevelure d'astre? Pensez-vous que la société que vous voyez là-bas, et qui forme un groupe à part, ne se soit pas imposé des privations de gaieté de cœur? Ils ont tous bien longtemps combiné les moyens de se transformer, l'un en sultan avec une jeune circassienne, l'autre en lapon prêt à monter en traîneau, l'autre enfin en écossais. Ils représentent des nations étrangères. Ils n'ont de la leur que la gaieté. Le lendemain, il est vrai, bon nombre ont pensé aux objets engagés pour se procurer les plaisirs du bal. Toutefois, ils ne regrettent rien, et ceux que vous plaignez si fort recommenceront l'année prochaine. Laissez-leur donc ces jours pendant lesquels la fantaisie est reine et la vie réelle un songe. Il est si peu de jours semblables. Gaston était venu non pour s'amuser, mais pour s'étourdir, pour oublier. Les deux amis venaient d'entrer au foyer lorsqu'ils virent les groupes s'ouvrir pour laisser le passage à un domino qui faisait son apparition. À vrai dire, il produisait sensation. Il était en cachemire blanc bordé de cygnes, le masque était en velours blanc. La main fine tenait un éventail en point d'Angleterre monté sur ivoire. Une boucle de cheveux dorée comme les auréoles qui flottent autour des vierges italiennes tranchait seule sur cette blancheur irritante. De bijoux, point. Le beau masque blanc fit une fois le tour du foyer et fut rejoint par un domino de même taille mais violet. Les hommes quittèrent des intrigues déjà nouées et suivirent les deux nouveaux venus. Chacun cherchait à lire dans les yeux du masque blanc. Tout le monde voulait voir un coin de la figure de la blonde. Les deux femmes causaient entre elles, riaient, mais ne laissaient rien deviner. La difficulté irritait les désirs. Gaston et de Narsac n'étaient point restés en arrière. Arrivés à l'extrémité du foyer, les dominos se retournèrent et les deux jeunes gens se trouvèrent face à face. La barbe blanche du masque blanc se souleva, mais la peau était aussi blanche que le voile. L'imagination de Gaston vagabondait au milieu de ces steppes blanches quand les yeux du beau masque se fixèrent sur les siens. Ce regard suffit pour effacer le souvenir qui obsédait l'esprit de Derfurt. « Suivons-le, dit-il à son ami. Tu as de l'esprit, parle-lui et emmenons-le. » « Comme tu y vas, répliqua le journaliste. « Je crois que la chose sera bien difficile, car nous n'avons pas un crédit ouvert chez le baron de la rue Lafitte. Au surplus, nous ne risquons rien. Je vais attaquer le domino violet. » Les deux masques étaient déjà loin. Gaston poussa, bouscula, passa pour un homme ivre. Toutefois, il rejoignit sa dame blanche. Celle-ci se retourna, lui effleura la joue de son éventail et lui dit à mi-voix « Vous êtes par trop curieux. » C'était la première parole qu'elle adressait depuis son entrée au bal. Le foyer, qui ne la perdait pas de vue, crut que Derfurt la connaissait. On lui demanda son nom. « Maria Slevig, répondit Narsac. Il n'était bruit depuis quelques jours à Paris que d'une jeune Polonaise, faite prisonnière par les Russes et qui, parvenue à s'échapper, avait gagné la France. Depuis peu de temps à Paris, elle changeait à chaque instant de déguisement. On ne savait que le lendemain où elle était allée la veille. La réponse du journaliste fut admise par tous, et quelques secondes après, on parlait de Maria Slevig. Fort content de lui, Narsac voulut faire causer le domino violet. Il y réussit. Comme 4 heures allaient sonner, le masque blanc dit à Derfurt « Dans un quart d'heure, loge d'avant-scène à gauche, soyez seul. Voici un nœud de satin blanc, vous le montrerez à l'ouvreuse. » Le masque blanc disparut. Quant à Gaston, il ne savait plus s'il était dans la vie réelle. Les dominos rouges, bleus, jaunes, qui avaient vu la soi-disant Maria Slevig lui parler, croyaient voir un Polonais et ne voulaient plus le laisser sortir. Pour beaucoup de Parisiennes à bouche mignonne, les étrangers remplacent avantageusement la douzaine d'huîtres. Ce fut au milieu de ce beau triomphe qu'une Pierrette entra, vint lui tendre la main en disant « Bonjour, mon poète !»« Tiens, mais c'est un journaliste » chuchota-t-on de tous côtés, « je le reconnais. » « Nous sommes encore bons, » ajouta un autre. « C'est le rédacteur de l'Étincelle qui est avec lui. »« Fort bien. Maria Slevig donne dans la plume. »« Le signe, » répliqua Narsac, qui s'était retourné. Gaston confia à son ami les paroles de l'inconnu. « Bon, te voici servi à souhait, mais défie-toi. Maria Slevig pourrait bien être qu'une ballerine. J'irai demain chez toi faire mon à travers Paris. » Derfurt ne l'écoutait plus. Il se dirigeait vers la loge d'avant-scène. Il montra la faveur blanche et fut introduit. Le masque blanc revêtait une sortie de bal blanche doublée de fourrure. « Je suis mystifié, » pensa le poète. « Vous tenez donc bien à me voir, » chanta pour ainsi dire le beau masque qui déjà franchissait le seuil de la loge. « Ne doutez pas, » dit Gaston, « vous m'avez rendu fou. » « Eh bien, nous verrons si votre folie est de longue durée. Après-demain, à 4h30, vis-à-vis de la statue de Diane, aux Tuileries. Vous donnerez bien un gage, beau masque. Il est méfiant, le muguet, répartit l'inconnu à sa compagne. Voici, mon beau mignon. Elle tira de sa poche une bourse en soie blanche remplie d'or. Gaston prit la bourse. Les deux dominos n'étaient déjà plus là.